13h passées de 19 minutes sur France Inter. Rendez-vous avec X, c'est avec Patrick Pénaud. Depuis longtemps déjà, je brûlais de le lui demander. Et Carlos ? Eh bien, je lui ai posé la question au mois de décembre, alors que le terroriste comparaissait devant ses juges. Avez-vous des informations inédites concernant Carlos ? Et puis cette semaine, alors que j'installais mon magnétophone sur la table entre nous, il m'a demandé « Carlos, ça vous intéresse toujours ?» J'ai naturellement acquiescé. S'est-il informé auprès du général Rondeau, l'homme qui a traqué Carlos 20 ans durant et qui a réussi sa capture au Soudan en 1994, M. X, bien évidemment, a refusé de me répondre. Carlos, donc, le plus mythique des terroristes contemporains, un homme, une légende, que les polices du monde entier ont pourchassé durant si longtemps. Pendant 2 décennies, on a soupçonné sa présence derrière chaque nouvel acte de terrorisme. À lui seul, il symbolisait cette nouvelle forme d'action sanglante et impitoyable au service de la révolution. Il était le trait d'union entre les divers mouvements terroristes, Bande Abadère, Brigade Rouge, Front Populaire pour la Libération de la Palestine, Armée Rouge Japonaise, Action Directe, etc. Une internationale de la terreur dont il aurait été le chef d'orchestre et parfois le bras armé. Comme le furet de la chanson, on croyait le voir partout. Dans les hôtels internationaux, dans les aéroports, toujours très élégant, un cigare au bec et, inévitablement, entouré de jeunes et jolies femmes. Et puis, il y a eu son arrestation à Khartoum, qui reste encore à bien des égards mystérieuse. Pourquoi les Soudanais, réputés soutenir le terrorisme international, l'ont-ils soudain lâché? Comment ont-ils pu laisser faire les agents français qui ont profité d'une banale opération d'une varice pour se saisir d'un Carlos amoindri et sans doute drogué? Les médecins soudanais étaient-ils complices? Et quel prix la France a-t-elle payé? Le résultat, en tout cas, c'est l'apparition dans le box des accusés d'un quadragénaire empâté, vociférant et souvent confus. Soudain, la légende en prenait un coup. L'insaisissable Carlos était un homme comme les autres, et on finissait par se demander pourquoi ce personnage ordinaire était devenu un mythe, n'était la traînée sanglante qu'il avait laissée derrière lui. Monsieur X, lui, au cours de ce nouvel entretien, a choisi de revenir à l'époque où Ilich Ramirez Sanchez est vraiment devenu Carlos, c'est-à-dire au moment où il a été identifié après le carnage de la rue Toulier, en plein Paris. Une affaire qui, malgré le procès qui vient d'avoir lieu, pose encore beaucoup de questions restées sans réponse. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. À propos de cette affaire de la rue Toulier, je crois qu'il est peut-être utile de rappeler les faits. Mmh. Bien qu'ils aient été largement exposés lors du procès de Carlos, ouais, ça, c'est sûr, assez récent. Ouais, mais bon, allez-y quand même. Bon, écoutez, si je vous fais cette proposition, ce n'est pas tout à fait innocent, car vous allez le voir, ce simple exposé montre que les dés étaient pipés. Ça veut dire, si je vous ai bien entendu, qu'on n'a pas tout à fait dit la vérité. Exactement. Bon, ce soir de juin 1975, Ilich Ramirez Sanchez fait la fête. Ouais, on a souvent parlé du goût de Carlos pour l'alcool et les jolies filles. C'est vrai, Carlos a toujours aimé la bonne vie. Mmh. Et c'était un dragueur, un pénitent. Mais attention, il s'est aussi servi de son image de playboy. Comment imaginer que ce type qui buvait, draguait, dépensait sans compter était en réalité un dangereux terroriste? Et à votre avis, donc, c'était une sorte de façade? En quelque sorte. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que toutes ces filles qu'il draguait lui rendaient aussi beaucoup de services. Leurs appartements étaient autant de planques pour lui. Enfin, revenons à cette soirée de juin. Allez-y. Carlos, une bouteille de whisky à la main, se rend rue Toulier dans un studio loué par 2 de ses amis, Maria Lara et Nancy. Il y a là quelques étudiants des 2 sexes, tous sud-américains. Et on commence à faire la fête. Et il y avait Comment dire, il y avait un prétexte pour faire la fête, là. Bon, écoutez, franchement, je crois que Carlos n'avait pas besoin de prétexte pour faire la fête. Enfin, là, effectivement, il s'agissait d'un pot d'adieu. L'une des filles, Nancy, retournait chez elle au Venezuela. Mais une question d'abord. Est-ce que toutes ces filles qui tournaient autour de Carlos savaient quelque chose sur lui? Vous voulez dire, est-ce qu'elles le soupçonnaient d'être un terroriste? Bah oui. Non, je ne crois pas. Elle trouvait bien qu'il avait une vie bizarre, mouvementée, qu'il voyageait beaucoup, mais elle ne se posait pas de questions lorsque Carlos leur confiait un sac ou une valise à garder quelque temps. Naïve, hein? Ou amoureuse. Ah. Et elle ne cherchait pas à en savoir plus. Carlos était un étudiant en sciences économiques issu d'une famille fortunée. Et même s'il les intriguait, elle se contentait de croire ce qu'il leur disait. Donc ce soir-là, on fait la fête rue Toulier. Oui. Et l'un des étudiants joue de la guitare. On boit, on danse dans une ambiance typiquement sud-américaine. C'est-à-dire particulièrement joyeuse. Tout à fait, mais ouais. Soudain, on frappe à la porte. L'une des jeunes filles va ouvrir. Derrière la porte, il y a deux hommes, deux policiers. Mais est-ce qu'ils se présentent comme tels? Oui, et assez rapidement, ils montrent leur carte de police de la DST. Il y a là un commissaire principal, Jean Errance, et un inspecteur, Raymond Douce. Et comment... Réagit-on chez ces étudiants sud-américains? Bah écoutez, c'est assez curieux. Ah, curieux, je vous écoute. La l'une des filles présentes se jette sur le commissaire Errant, et tente de lui arracher sa carte de police. Pour protéger Carlos? Je ne crois pas, non. Simplement, cette fille qui naviguait, comme tous les autres, dans les milieux d'extrême-gauche, a dû simplement avoir une réaction anti-flic, si vous voyez ce que je veux dire. Anti-flic, ouais. Oui, bon... Mais après... Bah, tout le monde a gentiment présenté ses papiers d'identité. Même Carlos? Même Carlos, oui. Ouais. Et lui, il avait des papiers d'identité à quel nom? Oh, je ne sais plus. Et puis, ça n'a pas d'importance. Il a emprunté tellement d'identités différentes. Je peux simplement vous dire que les papiers qu'il a présentés ce jour-là n'étaient pas établis à son véritable nom. Mais le prénom était Carlos. Et c'est désormais sous ce nom qu'il va être connu. Non, jusque-là, là, au fond, ça se présente plutôt bien. Oui, incontestablement. Et c'est ensuite que ça va se gâter? Pas tout de suite. La tension commence réellement à monter lorsque les policiers entreprennent de poser des questions à Carlos. Carlos qu'ils ne connaissent pas. C'est plus compliqué, vous allez voir. Donc, ils questionnent Carlos sur ses activités, ses amis. Le Vénézuélien est de plus en plus hostile. Alors, l'un de ses amis prend sa guitare, tandis qu'une fille offre un verre de whisky aux deux policiers. Après coup, tout ça, ça paraît assez irréel. Ah oui, oui. Parce que les policiers sont quand même pas venus dans ce studio par hasard. Bien entendu. C'est Carlos qui les intéresse. Et brusquement, l'un d'eux, le commissaire Errant, sort des photos de sa poche et les présente aux Vénézuéliens. Ces photos, qu'est-ce que c'est? Elles représentent Carlos en compagnie d'un homme dont on va beaucoup reparler. Michel Moukarbal. Et qui est-ce? Un Libanais que la DST soupçonne d'être un terroriste palestinien. Alors là, quelle est la réaction de Carlos devant ces photos? Il nie. Il nie de la façon la plus formelle. Oui, mais il y a quand même des photos. Eh bien, il dit que ce n'est pas lui, et d'ailleurs, il ne connaît pas ce type, ce Moukarbal. Le ton monte à nouveau. Carlos menace d'en appeler à son ambassadeur. Il dit que son père est un homme influent. Le commissaire Errant se sourit. Oui, parce que j'imagine qu'à sa place, il en a vu et entendu d'autres. Oui. Il ne se laisse pas impressionner mieux. Il palpe le Vénézuélien afin de vérifier qu'il n'est pas armé et demande à son inspecteur d'aller chercher Moukarbal, qui attend comme par hasard dans la rue en compagnie d'un autre policier. Donc, Errance, le commissaire Errance, compte donc organiser une confrontation. Oui, oui, oui. Et cinq minutes plus tard, le nommé Moukarbal apparaît, suivi de l'inspecteur Douce et d'un autre inspecteur, Donatini. Et soudain, c'est l'enfer. Très documenté sur Carlos est paru l'an dernier aux éditions Jean Picolec. Intitulé « Carlos, le dossier secret » et écrit par Roland Jacquard et Dominique Nasplez, il retrace l'étonnant parcours du terroriste le plus connu au monde. Je cite ses auteurs. Ilich Ramirez Sanchez est né le 12 octobre 1949 à Caracas, dans une famille aisée aux idées marxistes. Ses frères cadets, Lénine et Vladimir, sont nés en 1951 et 1958 et vivent toujours au Venezuela. Les deux auteurs remarquent qu'en prénommant ainsi ses trois enfants, le père a voulu clairement afficher ses opinions. Ils ajoutent. En échange de ces trois prénoms révolutionnaires, la mère, Donna Alba, une catholique fervente, a obtenu le baptême de ses enfants. Jacquard et Nasplez évoquent ensuite la vie dans la famille. La Casa Ramirez est en ébullition permanente. La politique fait partie de la vie de famille. Le marxisme et la religion domestique José Ramirez aura une influence considérable sur son fils. Toute sa vie, Illich verra en lui le modèle de l'engagement au service d'une idée supérieure, un engagement qu'il qualifiera plus tard de religieux. Et plus loin, les deux auteurs parlent de ce père qui a eu une influence si grande sur Carlos. Ils écrivent que Ramirez est une personnalité hors du commun, qui aime la révolution, mais aussi le luxe et le pouvoir de l'argent. Un intellectuel brillant, qui jouait avec le feu en flirtant avec un communisme interdit, ou encore en envoyant ses enfants à l'université Patrice Lumumba de Moscou, alors que lui-même usait et abusait des mécanismes subtils du capitalisme pour s'enrichir. Mais maintenant la suite de mon entretien avec M. X. Entretien interrompu au moment où mon interlocuteur évoquait l'entrée du nommé Moukarbal dans le studio de la rue Toulier au quartier latin. Dès que Moukarbal pénètre dans la pièce, le commissaire l'apostrophe. Connaissez-vous quelqu'un dans cette pièce ? Aussitôt, le Libanais désigne du doigt Carlos. Alors celui-ci dégaine un pistolet, un Tokarev, et tire. Un Tokarev, c'est un pistolet soviétique. Mais attendez, vous m'avez dit que le commissaire Ehrens avait fouillé Carlos. Oui, Ehrens n'était pas né de la dernière pluie. Alors ? Eh bien, je pense que Carlos, qui se tenait toujours sur ses gardes, avait dû dissimuler l'arme quelque part dans la pièce et qu'il s'en était emparé à l'insu du commissaire. Oui. Donc Carlos tire. 4 balles. D'abord sur Moukarbal, puis sur les 3 policiers de la DST. Puis il ramasse ses douilles et disparaît. Le bilan, vous le connaissez, puisqu'on en a encore récemment beaucoup parlé. 3 morts, les 2 inspecteurs et Moukarbal, et 1 blessé, le commissaire Ehrens. Première interrogation. Les policiers, apparemment, n'ont pas essayé de riposter. Ça veut donc dire qu'ils n'étaient pas armés. Exact. Ouais. Et ça vous paraît normal ? Absolument pas. Je me souviens même qu'à l'époque, l'ancien directeur et créateur de la DST, Roger Vibault, avait parlé d'une erreur professionnelle grave. Or, Vibault connaissait personnellement un des inspecteurs qu'il avait eu sous ses ordres. Et il affirmait que jamais ce policier n'aurait accompli une telle mission sans prendre son arme de service. Et vous, alors, personnellement, quelle conclusion en tirez-vous ? Bon, ça me paraît clair, on s'est débrouillé pour qu'il soit sans arme. On c'est qui ? Mais je vous donnerai la réponse, mais tout à l'heure. Comme d'habitude. Bon, alors, patientons, mais... Deuxième question, alors. Pourquoi ? Là, je peux vous répondre tout de suite. Ces 3 flics ont été envoyés à l'abattoir. Il fallait qu'ils meurent ou qu'ils soient blessés. C'était le but de la manipulation. Ah oui, parce que pour vous, là, il s'agit d'une manipulation. Sans aucun doute. Mais attends, et comment aurait-on pu persuader 3 policiers de la DST de venir sans armes à ce rendez-vous ? Imaginons qu'on leur ait monté un bateau énorme. Un bateau, mais quel style ? La promesse, par exemple, d'infiltrer un important réseau de terrorisme. L'affaire qu'on ne voit qu'une fois dans sa vie quand on est flic. Vous commencez à y voir clair. Et on leur explique qu'on va vous organiser un contact. Mais attention, pour inspirer confiance, il faut y aller sans armes. Et ce contact, c'était rue Toulier qu'il aurait dû être pris ? Exactement. Oui, mais ça ne colle pas avec ce que vous m'avez raconté précédemment. Quand les 2 policiers arrivent dans le studio de la rue Toulier, ils tombent au milieu d'une surprise partie, hein. Une drôle de façon d'amorcer un contact sérieux. Mais parce que tout est bidon, parce que c'est un piège. Et que celui ou ceux qui ont envoyé les policiers là-bas savent que Carlos s'y trouve. Et qu'inévitablement, s'il se sent menacé, il ouvrira le feu. Mais vous allez voir que toutes les pièces du puzzle vont se mettre en place. Bon, d'accord. Pour l'instant, je comprends rien. Mais enfin, je vous écoute. Pour la police, le triple meurtre de la rue Toulier, c'est un vrai coup de bambou. Pourquoi ? Parce que entre les terroristes palestiniens et les autorités françaises, il existe une sorte de marché. Les Français ont dit ne commettez pas d'actions violentes sur notre territoire et nous fermerons les yeux sur vos activités. Attendez, il y a quand même eu quelques arrestations de Palestiniens. Oui, mais enfin, qui se sont traduites par des peines très légères, hein, des peines de prison ou des expulsions. Rien de bien méchant. Mais on en a déjà parlé ensemble à propos de l'affaire Salamé, si vous vous souvenez. Hein. Bon, d'un seul coup, ce double meurtre de policiers français sonne comme une déclaration de guerre. Et les flics, vous pensez bien, vont mettre les bouchées doubles. Oui, ça se comprend, mais concrètement, ça va se traduire... D'abord, très vite, Carlos, le vrai Carlos, est identifié. Comment ? On a retrouvé dans le studio de la rue Toulier des empreintes digitales, sur des verres, je crois. Les autorités vénézuéliennes sont alertées, elles compulsent leur sommier et trouvent l'affiche d'un révolutionnaire communiste, un certain Illich Ramirez Sanchez. Les empreintes dactyloscopiques concordent, Carlos est identifié. Donc il est identifié comme étant Illich Ramirez, Sanchez. Oui, mais dans le même temps, les enquêteurs interrogent toutes les relations de Carlos à Paris et à Londres. Et surtout, ils s'intéressent aux documents qu'ils trouvent chez le nommé Moukarbal. À partir de là, tout va aller très vite. Ouais, je vous écoute, là. Bon, je passe sur les détails. Deux ou trois jours après l'affaire de la rue Toulier, les policiers perquisitionnent l'appartement d'une amie de Carlos, une sud-américaine, elle aussi. Et là, ils découvrent un fantastique arsenal, grenades, armes diverses, explosifs. Un arsenal déposé par Carlos ? Oui, et l'arsenal parle. Les grenades en particulier, elles proviennent d'un lot qui a été volé en Allemagne dans un dépôt de l'armée américaine. Et des grenades de ce type ont été utilisées lors de plusieurs actions terroristes récentes. Et vous savez les exemples ? Lors d'un attentat suivi d'une prise d'otage qui a été commis à Orly, si vous vous souvenez. Ça, je me souviens bien. Oui. Bon, il y a eu aussi ces grenades qui ont servi lors de la prise d'otage à l'ambassade française de La Haye. Et puis aussi lors de l'attentat au drugstore Saint-Germain. Et ça, je m'en souviens également. C'était spectaculaire. Mais alors, conclusion ? Les enquêteurs savent maintenant qu'ils ont affaire à un terroriste international redoutable. Un homme qui est manifestement très dangereux, parfaitement organisé et qui bénéficie de l'aide d'une véritable nébuleuse terroriste, sans doute dirigée par le KGB. Le KGB ? Oui. Dans la planque de la rue Amélie, on trouve également une quantité de faux papiers. Des faux billets d'avion, des faux permis de conduire et tout un matériel de faussaire. Il y a aussi une liste de personnalités françaises, juives ou pro-israéliennes. Et ça, c'est cette liste, enfin, c'était les prochaines cibles du terroriste. Manifestement, ce n'est pas tout. Car au même moment, à Londres, au domicile d'une autre amie de Carlos, Scotland Yard découvre un autre arsenal tout aussi impressionnant. Mais autant vous le dire tout de suite, ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'on trouve tous ces détails dans la presse. Oui, mais pourquoi est-ce étonnant ? Avez-vous déjà vu qu'une enquête des services spéciaux soit ainsi divulguée jour après jour ? À journal ouvert, en somme. Alors pourquoi tant de publicité ? Monsieur X, tout à l'heure, a fait allusion à Vibo, l'ancien patron de la DST. J'ai retrouvé un article de France Soir où l'ancien directeur donne son sentiment. Je le cite. « Cette affaire de la rue Toulier, je ne la comprends pas. Elle est en contradiction formelle avec les instructions que j'avais données lorsque je dirigeais la surveillance du territoire. Même pour des opérations de routine, il était de règle que les fonctionnaires soient armés. » Plus loin, Vibo ajoute « Je suis également étonné que l'équipe ne soit pas arrivée sur place avec une voiture et un chauffeur qui est attendu dans la rue la fin de l'opération. » Et il conclut, « Il y a peut-être des raisons spéciales très supérieures et très compliquées. Mais tout de même, les méthodes employées me paraissent très inhabituelles. » Une conclusion qui abonde dans le sens de la thèse de M. X. D'autre part, à propos de la publicité accordée à l'enquête de la police, j'ai trouvé un article du Monde paru le 12 juillet 1975. Le quotidien du boulevard des Italiens, comme on disait à l'époque, s'interroge. Jamais les recherches de la DST n'ont reçu autant de publicité que celles sur la fusillade de la rue Toulier. Jamais, dans l'histoire d'un service aussi secret, autant d'éléments d'une enquête n'ont été pareillement révélés, officiellement et officieusement. Les informations ont été fournies en abondance, au risque de les voir considérablement déformés ou exagérés. Publicité, m'avez-vous dit ? Oui, puis ça m'a d'abord choqué. Ensuite, j'ai essayé de comprendre. Attendez une seconde. Cette publicité, selon vous, donnée à l'enquête, pouvait s'expliquer par le fait que la DST voulait faire oublier son échec de la rue Toulier, hein, puis qu'elle essayait de montrer à l'opinion publique qu'en dépit de cet échec, elle restait performante. Non. Ah. Mais comment pouvez-vous être aussi sûr de vous ? Parce que c'est une maison que je connais bien et qu'en aucune raison, la DST n'aurait rendu publique son enquête au risque de tout compromettre. Bon, je vais bien l'admettre. Mais alors, pourquoi cette publicité ? Parce que des gens savaient ou qui voulaient que ce qu'ils savaient soit connu du plus grand nombre, au risque, par exemple, d'enjoliver la vérité ou de transformer cette vérité en désinformation. Ah, ça devient compliqué, hein ? Ce serait peut-être plus clair, si vous donniez des exemples. D'accord. Les découvertes de caches d'armes, les faux passeports, les belles amies de Carlos, tout ça, c'est vrai. Mais l'existence d'une internationale terroriste manipulée, dirigée depuis Moscou, c'est déjà moins évident. Pourtant, vous-même, vous m'avez déjà affirmé... Oui, mais il faut se garder de simplifier dans ce genre d'affaires. Je n'ai jamais dit que les soviétiques, ponctuellement, n'ont pas soutenu les mouvements terroristes et les ont utilisés à leur profit. Mais la source de tous les maux de l'Occident ne se trouvait pas forcément à l'Est. J'irais même plus loin. les soviétiques se méfiaient terriblement des terroristes. Tout ça, c'est un peu contradictoire. Non, pas tant que ça. Les gens du KGB savaient bien que ces types étaient incontrôlables et pouvaient un jour ou l'autre se retourner contre eux. Et d'ailleurs, à Moscou même, il y a eu des actes terroristes. Mais bien sûr, on n'en a jamais parlé à l'Ouest. Ouais, bon. Vous avez sans doute raison, hein. Mais Carlos, moi je me souviens très bien qu'on a prétendu que c'était en réalité un agent du KGB. Bien non. Il a parfois travaillé pour le KGB, mais toujours indirectement. Et ce n'était pas un agent de la centrale soviétique au sens où on l'entendait d'habitude. Vous êtes sûr? Oui, c'était plutôt une sorte de contractuel. Je peux même vous dire que Moscou était si suspicieux à l'égard de ces mouvements terroristes qu'il préférait en laisser le traitement aux pays satellites. Bon, ça revient un peu pour eux-mêmes. Hein. Pas tout à fait. Et quel pays, là vous... L'Allemagne de l'Est et la Roumanie, essentiellement. Voilà. Revenons à ce que vous disiez, là, la publicité. La publicité donnée à l'enquête et la désinformation qui l'accompagne. Un dernier exemple, les grenades. Tout à l'heure, vous avez dit que ces grenades avaient été volées dans un dépôt de l'armée américaine en Allemagne, hein, c'est ça, hein? Et c'est vrai. Mais ce qui n'est pas établi, mais pas établi du tout, c'est qu'elles ont été volées par des membres de la bande à Bader. Or, c'est pourtant ce que l'on a écrit un peu partout dans la presse. Pourquoi ? C'est plutôt à moi de vous poser la question. Je vous réponds, on voulait faire croire que tous les mouvements terroristes étaient liés les uns aux autres et que c'était une véritable internationale de la terreur inspirée par Moscou qui menaçait l'Occident. Mais voilà, c'était faux. Même si ces mouvements avaient à l'occasion des relations entre eux, rappelez-vous l'affaire Audran. Ça, je me rappelle, oui. Alors, selon vous, s'il s'agit d'une opération d'intoxication, qui se trouve derrière ? Ceux qui ont envoyé les policiers de la DST rue Toulier. Il s'agit d'une seule et même opération. Et avant de vous donner la clé de l'énigme, je vous propose que nous nous intéressions d'un petit peu plus près à Michel Moukarbal. Moukarbal, c'est le Libanais tué par Kurak. Carlos, rue Toulier. Oui, tout à fait. Bon, racontez-moi. C'était un type engagé depuis assez longtemps aux côtés des Palestiniens. Il était en effet très proche de Habash et Haddad. Donc c'était un membre du FPLP. Oui. Et après la mort à Paris de Mohamed Boudia, il était même devenu le responsable du FPLP pour la France. Boudia, c'était un homme de théâtre. Hein, il a été victime d'un attentat perpétré par le Mossad. Voilà, c'est ça. Hein. Oui. Les Israéliens étaient en effet persuadés que c'était aussi l'un des dirigeants de Septembre Noir. Et Boudia a été assassiné comme la plupart des membres de cette organisation terroriste. Alors Moukarbal, en 1972, rencontre Carlos, le jeune Ilich Ramirez Sanchez. J'imagine que ce n'était pas tout à fait une rencontre de hasard. Bien sûr que non. Carlos est envoyé par le patron de Moukarbal, Wadi Haddad, celui qu'on appelait le vieux, et qui a sans doute été l'un des chefs clandestins palestiniens les plus redoutables. Mais à l'époque, Carlos est déjà un terroriste ? Tous les cas, il est en passe de le devenir, s'il ne l'est pas. Mais il a déjà subi un entraînement sérieux. Et pour les Palestiniens, ce jeune Vénézuélien est une recrue incontestablement prometteuse. Il le prouve d'ailleurs, assez rapidement, en perpétrant tout seul un attentat contre un richissime homme d'affaires anglais, d'origine juive. Ouais. Et comment ça se passe entre Moukarbal et Carlos ? Mais d'après ce que nous pouvons savoir aujourd'hui, ça n'a jamais été la passion entre les deux hommes. Carlos était un homme d'action. Moukarbal, lui, c'était plutôt un homme de cabinet, un fonctionnaire du terrorisme. Un agent de liaison, si vous voulez. Puis, ils n'avaient rien de commun entre eux. Pourtant, après la mort de Boudia, ils ont bien été obligés de travailler ensemble. Travailler, c'est-à-dire préparer les attentats. En particulier, le double attentat d'Orly, au début 1975. Mais il y en a eu d'autres. En mai, Moukarbal s'envole pour Beyrouth. Puis il revient en France à la mi-juin. Mi-juin, quelques jours avant la fusillade de la rue Toulier. Oui, et dès son retour, Carlos prend contact avec lui. Le rendez-vous a lieu dans un bistrot. Moukarbal est nerveux, agité. Carlos lui demande ce qui lui arrive. Le Libanais ne répond pas, mais il dit qu'il veut lui confier une valise. Une valise, encore des armes ? Des papiers, surtout. Moukarbal notait tout. Un vrai comptable. Et quand on est un clandestin, c'est pas très prudent. Bah, enfin, oui, bref. Donc les deux hommes sortent, font quelques pas dans Paris. Carlos réceptionne la valise et Moukarbal finit par confier au Vénézuélien qu'il a été intercepté à Beyrouth par la sûreté libanaise. Les policiers l'ont longuement interrogé, mais ils l'ont relâché, ils l'ont autorisé à prendre un avion pour Paris. Carlos trouve ça bizarre, mais il n'insiste pas. Pourquoi vraiment ça lui semble bizarre ? Bon, disons que c'est surtout l'attitude de Moukarbal qui lui paraît étrange, cette nervosité. Mmh. Et vous avez une explication ? Oui. Oui, je pense que Moukarbal, en racontant cette histoire à propos de la sûreté libanaise, a, dans un certain sens, voulu avertir Carlos. L'avertir, mais quoi? Oui, c'était peut-être une certaine façon de lui dire « Fais attention, je représente un danger, écarte-toi, cesse de me fréquenter. » Alors, attention, là, vous en avez trop dit, pas assez. D'accord. Bien, je peux vous le dire maintenant, Carbal était en réalité un agent double. Alors, pour qui travaillait-il? Depuis un certain temps, déjà, il était tenu par les Israéliens, par le Mossad. Mais il devait vivre très mal cette trahison. Et ces deux mises à vœux à Carlos, c'était peut-être la première et la dernière tentative pour échapper à son destin. Pourquoi la dernière tentative? Parce que presque aussitôt après cette confidence, Moukarbal disparaît. Il disparaît où? Dans les locaux de la DST. Alors, pour quelle raison? Officiellement, c'est la sûreté libanaise qui a prévenu la DST. La DST qui a pisté Moukarbal dès son arrivée à Orly et qui a pu prendre des photos du Libanais en compagnie de Carlos. Mais en réalité, je crois plutôt que c'est le Mossad qui a mis la police française sur les traces de Moukarbal. Et pour quelle raison, là? Parce que Moukarbal, si je comprends bien, enfin si je vous suis bien, Moukarbal était un de leurs hommes. Oui, oui, mais les Israéliens avaient écrit le scénario. Et celui-ci prévoyait que Moukarbal serait arrêté par le contre-espionnage français, qu'il refuserait d'abord de dire quoi que ce soit sur ses activités, puis qu'il finirait par parler et proposer aux policiers de rencontrer Carlos. Mais c'est pour reprendre votre expression, là, le bateau hein, que vous avez évoqué. Ben, mettez-vous à la place de ces policiers français. C'est quand même une offre particulièrement alléchante si on vous dit « Je vous présente un chef terroriste important, un type que vous pourrez retourner sans difficulté. » Et c'est à ce moment-là, donc, à partir de cette proposition, qu'on suggère aux policiers de venir sans armes. Bien entendu. Bon, ça, je veux bien vous croire. Hein. Mais Moukarbal, en conduisant les types de la DST jusqu'au studio de la rue Toulier, savait-il, lui, que Carlos tirerait et le tuerait, lui aussi? Je le crois, oui. Carlos, le voyant avec des policiers français, réaliserait aussitôt qu'il était trahi. Et Moukarbal connaissait assez bien Carlos pour savoir comment il réagirait. Et cela aussi, c'était prévu par le scénario du Mossad. Mais après tout, peut-être que Moukarbal en avait assez et que c'était pour lui la meilleure façon d'en finir. Mmh. Bon, c'est une explication, en effet. Mais quel était le véritable but poursuivi par le Mossad? Vous n'avez pas encore deviné. Les Israéliens ne supportaient plus que la France soit une terre d'asile pour les Palestiniens. En faisant tuer des policiers français par Carlos, en révélant ensuite les développements de l'enquête, en orchestrant ensuite une véritable campagne de publicité sur les réseaux terroristes, ils étaient certains de contraindre la France à agir, et donc de s'attaquer directement aux réseaux palestiniens en France. D'après le livre que j'ai déjà cité, Carlos, le dossier secret paru chez Jean Picolec, Carlos aurait pour la première fois révélé une partie de la vérité sur l'affaire de la rue Toulier au cours d'une audition chez le juge Bruguière. Je cite les auteurs de ce livre, Jacquard et Nasplès. Carlos acceptera de lever un coin de voile sur la thèse de la manipulation le 24 février 1997. Pour lui, Moukarbal a été éliminé dans un guet-apens organisé par le Mossad avec la complicité de la police française. L'objectif de cette confrontation rue Toulier était de rompre l'accord de non-agression entre la résistance palestinienne et l'État français, accord similaire à ceux conclus avec la plupart des pays européens. Cette thèse n'est pas tout à fait conforme à celle de M. X, mais admettez qu'il y a de quoi être troublé. Je vous retrouve samedi prochain sur France Inter avec un nouveau dossier de M. X.